J'espère que demain sera meilleur qu'hier. J'suis comme un loup dans sa tanière. On fait du bruit sans t'as pas dire. C'est pas solide comme ta carrière. Comme un latino j'ai barré. T'es à l'ancienne comme les Carrera. Millions d'euros en billets violets. Et tu me verras plus tard les médias. Toi t'étais où quand j'étais pas demandé. J'regarde mon pénard de sujet. Tant t'appelles manqué. J'mange à l'heure tes bêtises. Ma reste n'a pas le temps. Y'a les bacs qui en vessie. De la taille du tour ton bras. J'ai mon meuf, il est dans tous les cas. Toi et moi, c'est pas le même délire. Toi et moi, pas les mêmes délires. Ils ont pris mon temps, argent comptant. Avenue Montaigne, ils voient plus mon temps. Ils ont pris mon temps, argent comptant. Avenue Montaigne, entrez dans le temps. Faut-il en faire. Toi et moi, c'est pas le même délire.